Comparativement à ce que la minière Osisko estimait en 2008, le potentiel aurifère du projet Canadian Malartic dans son ensemble est en hausse de 43 %. Ce potentiel nouvellement évalué inclut le site Barnat Sud, toujours à Malartic, et porte le nombre total d'onces d'or exploitables par année de 591 000 à 630 000. L'exploitation du gisement de Malartic s'échelonnera donc sur 12 ans au lieu des 9 années prévues initialement. Brian Coates est vice-président finance chez Corporation Osisko. Il est au bout du fil. Monsieur Coates, bonjour. Bonjour. Un calcul assez facile quand même à faire, Monsieur Coates, nous permet de dire que 630 000 onces par année pendant 12 ans donne 7 560 000 onces d'or. Si on calcule ça à 1 000 $ l'once, ça c'est le prix à peu près aujourd'hui, là, 1 041 enfin, ça fait un projet de 7,56 milliards. C'est à peu près la réalité, ça? C'est ça. Naturellement, on doit déduire notre coût d'exploitation. Ah, bien sûr. Environ de 320 $ l'once, mais c'est un projet d'envergure lorsqu'on l'avait lancé, mais encore une fois avec la découverte de la zone Barnat Sud et aussi des onces additionnelles qui sont venues avec l'extension de la fosse de Canadian Malartic. Encore une fois, ça démontre que le gisement Canadian Malartic et notre projet Malartic est un gisement de taille mondiale. En plein, justement, là, vous l'avez évoqué, là, vous avez évoqué Barnat Sud, l'extension de la fosse telle que vous nous l'aviez présentée. Est-ce que c'est justement le potentiel de Barnat Sud qui fait que la fosse sera plus grande? Absolument. On va agrandir la fosse pour aller chercher le dépôt de Barnat Sud. Et on avait annoncé ça en 2009 et en fin de compte, l'étude démontre que c'est économique et ça améliore l'économie du projet. Là, on sait qu'il y a une partie du projet qui a été entérinée telle quelle par Québec, suivant la tenue d'audience publique. Là, est-ce qu'il y a d'autres approbations à obtenir pour exploiter tout ce potentiel minier, là, celui dont on vient de parler? Et en fin de compte, comme vous le savez, on avait avisé les gens et la population en général que la découverte de la zone Barnat nécessiterait une relocalisation d'une partie de la route 117. Absolument, oui. Nous sommes en train d'évaluer plusieurs scénarios et on travaille avec les autorités gouvernementales, non seulement du gouvernement du Québec, mais aussi de la communauté malarticoise et de la ville de Malartic pour trouver le tracé le plus convenable à tous. Puis on travaille avec ça et après ça, on verra quelles autorisations devront être obtenues. Est-ce que ça vous demande aussi un peu là de consulter la population en Malartic pour justement, ou si ça ne touche aucune résidence, que la relocalisation ou la déviation de la route 117? Aujourd'hui, les tracés qu'on discute ne nécessiteront pas de relocalisation additionnelle de d'autres résidences. Ça fait partie des 205 résidences que nous avions planifiées et nous sommes en train d'exécuter. Un projet comme celui-là, parce que vous me l'avez dit en fin de première réponse, enfin, ça vous place, Osisko, enfin, ça vous place comme un des promoteurs d'un projet d'envergure mondiale. Qu'est-ce que ça change pour Osisko, ça, sur les marchés? Et en fin de compte, ça confirme qu'est-ce que les marchés anticipaient et démontre encore une fois le potentiel du camp Malartic pour une exploitation mondiale. On sait que Malartic a toujours, et toute la faille de Cadillac a quand même eu une excellente réputation. Ouais. Au niveau de la communauté minière et d'investisseurs suite à l'exploitation de gisements de fort potentiel. Et encore une fois, qu'est-ce que je pense qui est intéressant dans tout ça? Malartic a une riche histoire d'exploitation minière et là, on relance le camp de Malartic avec le projet canadien de Malartic. Est-ce que ça se résume aussi facilement que dire que par les temps qui courent, Osisko a la cote? Disons que le marché, on a quand même une capitalisation boursière de 2,8 milliards de dollars. Ouais. On se souvient, en 2004, on avait une capitalisation boursière d'environ 10 millions de dollars. Ça fait, je pense, un beau succès ouais. d'entrepreneuriat québécois. Puis, en fin de compte, nous espérons continuer de bâtir notre avenir avec la découverte d'autres gisements, non seulement aux alentours de Malartic, on compte des bons efforts du parquet, mm-hmm. et aussi dans d'autres régions où est-ce qu'on est en train d'explorer. Malartic, Val-d'Or et Rivière-Eva étudient la possibilité de se regrouper, M. Côte. Ça change quelque chose pour vous, ça? Pour nous, ça change rien. C'est certainement la population qui va décider qu'est-ce qu'on va faire. Pour nous, nous sommes seulement des observateurs dans tout ça. Mais comme on a démontré, on veut travailler avec la population locale et régionale dans l'exploitation responsable de notre gisement. Brian Coates, je rappelle, vous êtes vice-président finance chez Osisko. Merci beaucoup de cette entrevue. Ça fait plaisir.